Malo, tu es un lapin. Malo, tu es un coquin. Malo, tu es très vilain. Mais moi, je t'aime bien. Malo, tu es un petit chien. Malo, tu es très coquin. Malo, tu es vilain. Mais moi, je t'aime bien.